Le ciel est gris, mon cœur s'ennuie. Pour moi jamais de lumière. Un noir et blanc, mes jours s'en vont. Je suis seul sur la terre. Mais quand tu es là-haut, Messalina, blotti entre mes bras, oh Messalina, s'allume des couleurs, oh Messalina, qui dorment dans le fond de ton cœur. C'est la plage. Ce soir, dans ma vie sans soleil, se lève un arc-en-ciel aux couleurs irréelles. Le ciel est gris, mon cœur s'ennuie. Pour moi, jamais de lumière. Un noir et blanc, mes jours s'en vont, et je suis seul sur la terre. Mais quand tu es là, oh Messalina, blotti entre mes bras, oh Messalina, s'allume des couleurs, oh Messalina, qui dormait dans le fond de ton cœur. Rose ta peau et une rive, blanc ton corps à la dérive. Ma vie était un noir et blanc. Ce soir, elle est en rose et ton cœur s'y repose. Mais quand tu es là-haut, Messalina, blotti entre mes bras, oh Messalina, s'allume des couleurs, oh Messalina, qui dorme.